j'ai pas, ben j'peux pas. Mais tu crois que j'veux pas. Si tu veux, on débarque dans ta boîte pour mettre le fire. Elle fait la mignonne, sous votre cap pur, elle mignonne. On veut faire le million, contente-toi ma belle du millier. Dans la zone, comme sur une île sous moula. Les petits qui lèvent la bécane, debout sur le Yamaha. Là y'a les stupés, d'autres putes qui se mélangent. Sur le toit du bloc, on a pisté tout leur manège. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Ça fait papa para, pété, je suis pas ta taille. Et je suis papa para. Dirka la la la la, on te baise et bala la la. Souvent je suis mal la la la, du coup que je bala la la. Je fais des gros sous comme Pablo. Hey, tu bandes sur nous comme ta go. Encore merci la zone, chez nous la moula sonne. J'en veux encore, j'en fume encore, et reste tranquille. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. La haine, l'amour, moi je sais plus, j'suis embarrassé. Elle est love de moi, elle me dit que j'lui plais quand j'suis pas rasé. J'me fais tout le temps discret, j'évite les parasites. Moi j'ai grandi au quartier, j'suis pas raciste. Une voiture me suivait, je l'ai perdu sur la voie rapide. Grosse bagarre devant le patron du parapluie. J'ai de la haine à revendre, tant mieux si tu te crois plus fort que moi. Des gros temples à l'usine, j'vois le jour que trois fois dans moi. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Toujours là, ghetto fait à Cala Juve. Oh là là, quand elle bouge son boule dans la noche. J'roule à bloc, plus de nouvelles, mauvaises nouvelles. Oh là là, c'est la zone en personne. Oh là là, en bruit tu sors une calala. Tu vas en descendre, malala. Histoire de bandits, ça scana. Tout est mort, tiens la fuite, la moindre nouvelle. Prends la fuite ou reste tranquille le soir. Reste tranquille, oh là là. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Reste tranquille, oh la la. Madre mia, oh la la. Adios mios, oh la la. Mon amia, oh la la. Oh la la, un doigt pour les la la lâche. À fond sur la file de gauche. La chance est là, je vais pas rater le coche. Et voilà là, encore une fois, ouais, bouge tes fesses. Un son de falala, demande à Kirby que de la lait. Toute année, robot, j'suis rentré de la monnaie.